brousse le teint hâlé, les yeux clairs. Nous, les matelots d'eau douce, nous, les marins sans la mer. Bonne morning et tralalaire, farewell et tralala. Les marins ont le beau rôle, mais ne soyons pas amers. Notre vie est bien plus drôle, ah, s'il n'avait pas la mer. Bonne morning et tralalaire, farewell et tralala. Pour nous c'est toujours Marseille, encore Marseille et Bordeaux. Mais le roux c'est bien pareil, c'est toujours Valparaiso. Bonne morning et tralalaire, farewell et tralala. Comme c'est beau la rivière, eux n'ont rien à l'horizon. Ils regrettent leur chaumière, nos bateaux sont nos maisons. Bonne morning et tralalaire, farewell et tralala. Sont des perroquets pour voile, nous n'en avons pas besoin. Avons les mêmes étoiles, mais les nôtres sont moins loin. Bonne morning et tralalaire, farewell et tralala. Nous avons femmes et filles que nous ne quitterons plus. Mais sans aller aux Antilles, non, ne me pas moins cocu. Bonne morning et tralalaire, farewell et tralala.